En signe de soutien au communiqué du Comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Baekdusan 2017, le Comité préparatoire japonais pour les 105e et 75e anniversaires de naissance du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et la succursale brésilienne de l'Association d'amitié avec la Corée ont publié des déclarations pour exalter les exploits accomplis par les grands hommes Baekdusan pour l'émancipation du monde, la paix et la stabilité au nord-est asiatique et la réunification indépendante et pacifique de la Corée, et souligner de contribuer activement à la réussite du 5e festival international à l'éloge des grands hommes Baekdusan et à la construction d'un monument à l'éloge des grands hommes Baekdusan.